السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن من أجل نعم الله علينا أن هدانا للإسلام وأن وفقنا للسنة وآفة النعم الكفر بها وجحودها ومن كفر النعمة التي ننعم بها الخروج على الجماعة والشذوذ عنها وذلك بالانضواء تحت ألوية الجماعات البدعية بالولاء لقادتها والالتزام بأفكارها ونشر دعوتها فماذا تريد هذه الجماعات أيها الإخوة في الله لقد ابتلينا بجماعات تزعم الدعوة والإصلاح وهي تحمل في طياتها الضلال الكبير والشر المستطير ومن تلك الجماعات جماعة التبليغ والتي يطلق عليها أيضا جماعة التبليغ والدعوة ويعرف المنتمون إليها بالتبليغيين أو الأحباب Serviteur d'Allah, craignez Allah et sachez que parmi les plus grandes grâces que Allah subhanahu wa ta'ala nous a faites, c'est qu'il nous a guidés à l'islam et qu'il nous a donné le succès de connaître la sunna et de la suivre. Et parmi les choses qui détruisent les grâces que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, c'est le fait de ne pas en être reconnaissant et de les renier. Et parmi les plus grandes formes du fait de renier les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les plus grands exemples de manque de reconnaissance envers les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait de se détourner de la jama'a et de s'en écarter et de porter allégeance à des bannières de certains groupes islamistes qui sont sur l'innovation et la bid'a et de donner allégeance à leurs guides et à leurs chefs et d'adopter leurs idéologies et de prétendre que ces gens-là suivent ce qu'ils font au nom de la da'wah et qu'ils prétendent appeler les gens à l'islam alors qu'en réalité ils ne font qu'appeler à l'innovation. Qu'est-ce que ces groupes, qu'est-ce que ces jama'at veulent des musulmans? Chers frères en Allah, sachez que nous avons été éprouvés par des groupes qui prétendent vouloir appeler à l'islam, qui prétendent vouloir appeler à la réforme, et qui portent en eux-mêmes toutes sortes de différentes formes d'égarement. Et parmi ces différents groupes et ces différentes jama'at, il y a le groupe connu par le nom de Jama'at al-Tabligh. Et c'est un groupe qui se donne ce nom, Jama'at al-Tabligh ou bien Jama'at al-Da'wah, hein, le groupe qui prétend transmettre l'islam ou appeler à l'islam, et on les appelle souvent les tabliriyin. ومن علاماتهم المشهورة التي يعرفون بها زيارة البيوت وحث الناس على الخروج معهم والغالب عليهم الجهل لأنهم لا يتعلمون فدعوتهم مبنية على الجهل ويكثر في كلامهم ذكر الكرامات وفوائد ما يقومون به من الزيارات وما حصل من الخير لهم ولمن خرج معهم ويحرص بعض دعاة هذه الجماعة على جذب الشباب واستقطابهم بالنكات المضحكة والقصص والقصائد وما تستهوي عقول الجهال ويغريهم بالانضمام إليهم وجماعة التبليغ نشأت في الهند على يد رجل صوفي خرافي اسمه محمد الياس الكندهلوي وكان على الطريقة الجستية وعلى المدرسة الديوبندية ثم انتشرت بدعته في العالم جاءوا أول الأمر إلى السعودية إلى المملكة العربية السعودية بصورة علنية وطلبوا الإذن لهم بممارسة دعوتهم في السعودية فأصدر سماحة المفتي في ذلك الزمان المفتي الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ رحمه الله فتوى في شأنهم جاء فيها هذه الجمعية لا خير فيها فإنها جمعية بدعة وضلالة وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك الأمر الذي لا يسع السكوت عنه انتهى كلامه رحمه الله serviteur d'Allah. Parmi les signes qui distingue et qui caractérise ce groupe, cette jama'a de Jama'at al-Tabligh, c'est qu'ils visitent les maisons des gens et ils les appellent à sortir avec eux. Et une de leurs caractéristiques les plus apparentes, c'est que ce sont des gens qui sont remplis d'ignorance. Ils n'apprennent pas l'islam et ils n'étudient pas l'islam. Leur da'wah, leur appel, leur invitation est établie et basée sur l'ignorance de l'islam. Et on retrouve dans leurs paroles beaucoup de mentions de différents prodiges qui leur sont arrivés à eux, à ceux qui sortent ou qui font leur visite, ou qui sont arrivés à ceux qui sont sortis avec eux lors de leur sortie. Et certains de leurs prêcheurs essaient d'attirer les jeunes en leur racontant des histoires drôles ou en leur racontant toutes sortes de contes et des choses qui attirent les esprits faibles de ces gens ignorants malheureusement. Et donc ils appellent à tromper les gens à les suivre par ces paroles et par cette ignorance. Et Jama'at al-Tabligh, le fondateur de ce groupe, qui est parti ou qui est sorti la première fois ou qui est apparu en premier en Inde, eh bien c'est un soufi, khurafi, du nom de Muhammad Ilyas al-Kandahlawi, qui faisait partie d'une secte soufi qu'on appelle al-Jistiyya et qui fait partie de l'école des Diobandiyya. Lorsqu'ils sont arrivés en premier en Arabie Saoudite, ils ont demandé la permission pour pouvoir pratiquer leur da'wah là-bas, et ils ont donc demandé au mufti de l'Arabie Saoudite, qui était à l'époque le Cheikh Mohammed Ibrahim al-Sheikh, rahimahullah, la permission donc de pouvoir pratiquer leur pratique là-bas. Et le Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim al-Sheikh à cette époque a fait une fatwa à leur sujet. Et dans cette fatwa, il a dit: ce groupe est un groupe qui ne contient rien de bon. c'est une organisation ou une association qui est sur la bid'a et sur l'égarement. Et en lisant leurs livres, les livres qu'ils ont envoyés avec leurs lettres, on peut comprendre que leur da'wa comprend toutes sortes d'égarements et d'innovations, et qu'ils appellent même à l'adoration des tombes et à l'association, c'est-à-dire à faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce genre de choses, il n'est pas possible de se taire à son sujet. وعند ذلك رجعوا بالأسلوب الخفي فأخذوا ينتشرون شيئا فشيئا مع الحرص التام على التخفي والتستر ولكن الله كشف أمرهم وهتك سترهم فأرصد لهم ورثة النبيين من العلماء الربانيين فما زالوا يفتون بأنها جماعة بدعية وما زالوا يحذرون من شرها وباطلها ومن كلام أهل العلم فيهم ما يلي قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات وعندهم بعض البدع والشركيات فلا يجوز الخروج معهم إلا إنسان عنده علم يخرج لينكر عليهم ويعلمهم إلى أن قال أو إنسان عنده علم وبصيرة يخرج معهم للتبصير والإنكار والتوجيه إلى الخير وتعليمهم حتى يتركوا المذهب الباطل ويعتنقوا مذهب أهل السنة والجماعة انتهى كلامه وسئل أيضا عنها وعن جماعة التبليغ وهل جماعة التبليغ تدخل في الفرق الاثنتان والسبعين الهالكة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور فقال رحمه الله تدخل في الثنتين والسبعين ومن خالف عقيدة أهل السنة دخل في الثنتين والسبعين انتهى كلامه. Et donc, après avoir été interdit de propager leurs innovations de façon officielle, ils ont eu recours à des méthodes subtiles et cachées pour essayer de propager leurs innovations. Et donc, ils se sont cachés et ont commencé à propager leurs innovations de façon secrète. Mais les savants de l'islam ont démasqué leurs ruses et ont dévoilé leurs égarements parmi les différents héritiers des prophètes, parmi les ulama de l'islam. Et les savants jusqu'à aujourd'hui continuent de faire des fatwas à leur sujet pour expliquer et mentionner que leur groupe est un groupe d'innovation, un groupe de bid'ah. Et ils continuent de mettre en garde contre le mal qu'ils propagent et contre la fausseté qu'ils diffusent. Parmi les paroles des savants à leur sujet, il y a la parole de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, qui dit que Jama'at al-Tablir, qui est le groupe connu, le groupe de l'Inde, qui est rempli de superstitions et de différentes formes d'innovation et de shirk, il n'est pas permis de sortir avec eux. Excepté pour quelqu'un qui a de la science et qui est capable de les réfuter et condamner ce qu'ils font et de les enseigner. Jusqu'à ce qu'ils disent, ou pour une personne, c'est-à-dire il n'est pas permis à quelqu'un de sortir avec eux, excepté pour une personne qui a de la science et de la compréhension de la religion et qui va sortir avec eux pour leur faire comprendre la religion correcte, pour les condamner dans qu'est-ce qu'ils font de qu'est-ce qui est faux et pour les orienter vers le bien et pour leur enseigner l'islam correct pour qu'ils puissent abandonner cette voie fausse qu'ils suivent et adopter la voie de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et ça, c'est la fin de la citation de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz. Et donc, ensuite, il a été questionné également au sujet de Jama'at Tablir et des frères musulmans, al-Ikhwan al-Muslimoun, et il a dit, et on lui a posé la question, est-ce que ces groupes-là font partie des 72 sectes qui ont été mentionnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a dit à leur sujet qu'elles allaient périr, excepté une seule qui allait être au paradis? Il a dit oui, elles font partie des 72 sectes. Toute personne, tout groupe qui contredit la croyance de Ahlus Sunnati wal Jama'a, il rentre dans les 72 sectes. Et donc, Jama'at al-Tablir et son fondateur font partie, comme on a dit, des groupes et des sectes de Soufiyah. Et en même temps aussi, ils font partie de la secte des Maturidiyah et des Diobandiyah. Et donc, sont remplis de superstitions et de faussetés et d'appels à l'adoration aux tombes et des choses de ce genre. Allah al-Musta'an. قال العلامة الألباني رحمه الله جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام وما كان عليه سلفنا الصالح وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الخروج معهم انتهى كلامه. Donc Cheikh Al-Albani il a dit Jama'atul Tabligh elle ne se tient pas sur la méthodologie du livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et elle ne se tient pas non plus sur la voie de nos pieux prédécesseurs. Et si tel est le cas, et donc il n'est pas permis de sortir avec eux. وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي نائب الرئيس اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا رحمه الله الواقع أنهم مبتدعة محرفون وأصحاب الطرق قادرية وغيرهم وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس أحد قادة الجماعة وهم لا يدعون إلى الكتاب والسنة وهم لا يدعون إلى الكتاب والسنة إلى أن قال أنا أعرف التبليغ من زمان قديم وهم المبتدع في أي مكان كانوا وهم في مصر وإسرائيل وأمريكا والسعودية وكلهم مرتبطون بشيخهم إلياس. Donc Mohamed Afifi, qui était l'ancien directeur adjoint du comité permanent de la fatwa en Arabie Saoudite, un des chouyoukh de l'Égypte, qui était le directeur adjoint de la Lajnat al-Da'ima pour l'Ifta en Arabie Saoudite, il dit, la réalité à propos de ce groupe, c'est que c'est un groupe de bid'ah, un groupe qui déforme la réalité de l'islam. Et ce sont des gens qui suivent des turq soufis, c'est-à-dire des différentes sectes soufis. Et lorsqu'ils sortent, ils ne sortent pas dans le chemin d'Allah, mais ils sortent dans le chemin de Ilyas, c'est-à-dire Mohamed Ilyas al-Kandahlawi, le fondateur de ce groupe. Et il n'appelle pas au livre d'Allah et à la sunna. Et ensuite il a dit, et je connais Jama'at Tabligh depuis longtemps, ce sont des gens de bid'a. Peu importe où ils sont tous reliés. En Égypte, en Israël, en Amérique, en Arabie Saoudite, hein, ils sont tous reliés à leur cheikh Ilyas. قال العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله بلغني عن زعماء لهؤلاء الجماعة في الأقطار الإسلامية خارج بلادنا أنهم على انحراف في العقيدة فإذا صح ذلك فإن الواجب التحذير منهم والاقتصار على الدعوة داخل بلادنا على الوجه المشروع انتهى كلامه. الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين il a dit on m'a transmis au sujet des chefs de ce groupe dans les différents pays musulmans, à l'extérieur de notre pays, que ces gens-là sont sur une déviation dans la aqidah, dans la croyance islamique. Et donc si cela est exact, l'obligation est de mettre en garde à leur sujet et de se limiter à l'invitation et à l'appel à l'islam à l'intérieur de notre pays selon la voie qui est légiférée par l'islam. قال العلامة الناصح الشيخ حمود التويجري رحمه الله إني أنصح السائل وأنصح غيره من الذين يحرصون على سلامة دينهم من أدناس الشرك والغلو والبدع والخرافات أن لا ينضموا إلى التبليغيين ولا يخرجوا معهم أبدا سواء كان ذلك في بلاد السعودية أو في خارجها لأن هؤلاء أهون ما يقال في التبليغيين أنهم أهل بدعة وضلالة وجهالة في عقائدهم وفي سلوكهم ومن كانوا بهذه الصفة الذميمة فلا شك أن السلامة في مجانبتهم والبعد عنهم انتهى كلامه. Et donc il a été dit également par un des grands ulama, Cheikh Hamoud al-Tuwayjiri rahimahullah. Il dit, je conseille à la personne qui pose la question et à tout autre parmi ceux qui ont un intérêt, un grand intérêt pour que leur religion soit saine et sauf et en bon état, pour avoir une bonne pratique de la religion, une bonne compréhension de l'islam et pour être épargné de toutes les impuretés du shirk et de l'exagération dans la religion et des différentes formes d'innovation et de superstition, eh bien je leur conseille de ne pas rentrer avec le groupe des tabliriyin et de ne pas sortir avec eux, de ne jamais sortir avec eux, peu importe que ce soit à l'intérieur de l'Arabie Saoudite ou à l'extérieur. Parce que le moindre qu'on peut dire au sujet des tablighiyin, c'est que ce sont des gens de bid'a, d'égarement et d'ignorance à propos de la croyance et dans leur comportement. Et même, il dit, et donc celui qui est dans cette caractéristique blâmable, il n'y a pas de doute que d'être épargné de leur mal, c'est de s'écarter d'eux dans le but d'être justement sauvé de leurs égarements. Wa qala al-Sheikh Abdul Qadir al-Arnaout, رحمه الله جماعة التبليغ صوفية نقشبندية قادرية يخلطون بين العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة وبين السنة والبدعة وبين الولاء لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والولاء للمناهج البشرية تفسر النصوص على منهجها لا على منهج السلف الصالح. انتهى كلامه. Donc le Cheikh Abdul Qadir al-Arnaout de la Syrie, il a dit, rahimahullah, le groupe de Jama'at al-Tabligh est un groupe de bid'a, un groupe soufi, Naqshbandi Qadiri, hein, parce qu'il prête allégeance à différentes turcs soufiyas. Et il mélange entre la vraie aqida et la fausse, et entre la voie de la sunna et la bid'a, et entre le fait de s'affilier au Coran et à la sunna, et de s'affilier également aux méthodologies inventées par les hommes qui interprètent les textes de la religion selon leur propre compréhension et non selon la compréhension et la méthodologie de nos pieux prédécesseurs. Wa qala al-Sheikh Hamad al-Ansari rahimahullah ahad ulama al-hadith fi al-Madinah al-Nabawiyah إن هؤلاء الجماعة لا يريدون العلم ولا يطلبونه فهذه الطريقة يفسدون أكثر مما يصلحون وجماعة التبليغ أعرفها جيدا وهم في العقيدة ماتوريدية جستية وفي المذهب أحناف متعصبة. انتهى كلامه. Donc le Cheikh Hamad al-Ansari, un des grands savants de médecine parmi les ulama de hadith, il a dit, ce groupe de Jama'at al-Tabligh, ils ne veulent pas la science et ils ne la recherchent pas. Et par cette voie, ils font plus de tort que de bien. Ce qu'ils corrompent est plus que ce qu'ils veulent réformer. Et donc le groupe de Tablir, je les connais très bien. Et dans la Aqidah, ils sont sur la voie des Maturidiyah. Les Maturidiyah, c'est une parmi les sectes de Bid'ah. Et ils ont des déviations au sujet de la croyance en Allah, subhanahu wa ta'ala, au sujet des attributs d'Allah, puisqu'ils déforment le sens des attributs d'Allah. Et ils n'en affirment que 13. Hein? Et en même temps aussi, dans le qadar, ils ont des déviations. Et dans la compréhension du tawhid, ils ont des déviations. Et dans la définition de la foi, ils ont des déviations. Et donc c'est une secte qui ressemble beaucoup à la secte des Asha'ira, qui fait partie aussi des groupes des garments. Et donc il faut faire attention à ce genre de groupe. Et dans le madhab, ils sont des fanatiques. C'est-à-dire ils suivent le madhab d'Abu Hanifa. Ils prétendent le suivre, mais de façon fanatique. Et donc ça, c'est quelque chose de très grave. Parce que si tu leur donnes un hadith du prophète sallam, et que tu leur montres la sunna du prophète sallam, si ils disent, nous on ne suit pas le hadith, parce que c'est en contradiction avec notre madhab. Alors qu'on n'a pas le droit de placer la parole d'un madhab, ou d'un imam, ou d'un sheikh, ou d'un mufti, ou de quiconque, au-dessus de la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وقال وقال كذلك كل من كان على فكر مخالف لأهل السنة فليس منهم فجماعة الإخوان والتبليغ ليسوا من أهل السنة لأنهم على أفكار تخالفهم. انتهى كلامه. Également le Cheikh Hamad al-Ansari, il a dit, toute personne, peu importe qui il est, qui vient en contradiction avec les gens d'Ahl al-Sunnah dans la croyance ou dans la pratique ou dans la méthodologie, alors il n'est pas il n'est pas des gens de la sunna, il ne fait pas partie de Ahl al-Sunnah, c'est pas un sunni, même s'il se dit sunni, c'est pas un vrai sunni. Et il dit donc, Jama'at al-Ikhwan, les frères musulmans, et Jama'at al-Tablir ne font pas partie de Ahl al-Sunnah parce qu'ils ont des idées et des positions qui sont en opposition avec les gens de la sunna. يقول الشيخ عبد الله ابن غديان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله مجيبا على سؤال يقول صاحبه نحن في قرية يتوافد علينا بما يسمى جماعة التبليغ فهل نمشي معهم أم لا نرجو التوضيح فقال الشيخ لا تمشي معهم إنما تمشي مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه. Et donc on a posé la question à un des grands ulama, Cheikh Abdullah al-Budayan, rahimahullah, et on lui a demandé, est-ce que je peux sortir avec Jamaat al-Tablir qui sont souvent dans notre village? Est-ce que je peux marcher avec eux ou non? Et le Cheikh a répondu, ne marche pas avec eux, marche uniquement avec le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala al-Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah, نصيحتي لإخواني العوام وغير العوام أن لا يصحبوهم وإذا أرادوا الخير فهو موجود ولله الحمد في بلادهم إذا أرادوا العلماء فالعلماء موجودون وإذا أرادوا العبادة فالمساجد مفتوحة وإذا أرادوا شيء أي شيء من أمور الدين فهو متوفر ولله الحمد وقال أيضا حين قال قيل له بأن جماعة التبليغ يرفضون دعوة التوحيد وإذا بين لهم التوحيد نفروا فقال الشيخ حفظه الله أنا شهدت هذا بنفسي أنا ألقيت محاضرة في التوحيد في بعض مساجد الرياض وكانوا مجتمعين فيه فخرجوا من المسجد ومثلي أيضا بعض المشايخ ألقوا في هذه المساجد وفي هذا المسجد محاضرة عن التوحيد فخرجوا منه لأنهم كانوا نازلين فيه فإذا سمعوا الدعوة إلى التوحيد خرجوا من المسجد مع أنهم يدعون إلى الاجتماع في المسجد لكنهم لما سمعوا التوحيد خرجوا من المسجد أما إنهم لا يقبلون ممن دعاهم إلى التوحيد نعم هذا ليس خاصا بهم بل كل من يسير على منهج ومخطط لا يقبل التنازل عنه لو كانوا وقعوا فيه في هذا الأمر عن جهل فهم يمكن أن يرجعوا إلى الصواب ولكن هم وقعوا في هذا الأمر عن تخطيط وعن منهج يسيرون عليه من قديم مخطط لهم فلا يمكن أن يرجعوا عن منهجهم لأنهم لو رجعوا عن منهجهم لانحلت جماعتهم وهم لا يريدون هذا انتهى كلامه. Et donc il y a également la parole de Cheikh Salih al-Fawzan حفظه الله. Il a dit au sujet de Jamaat al-Tabligh, lorsqu'on lui a mentionné que Jamaat al-Tabligh il n'accepte pas l'appel au tawhid et qu'on leur enseigne le tawhid, qu'est-ce qu'il a répondu le Cheikh? Il a dit, c'est vrai, et c'est quelque chose dont j'ai été témoin moi-même. C'est-à-dire que le cheikh, il a dit, j'ai fait une conférence sur le tawhid dans une mosquée à Riyad. Et eux, ils étaient assis dans cette mosquée, ils étaient réunis dans la mosquée, au moment où je donnais la conférence. Et lorsqu'ils ont su que je donnais la conférence au sujet du tawhid, ils se sont levés et ils sont sortis. Et le cheikh a dit, c'est pas seulement moi à qui c'est arrivé à d'autres parmi les mashaykhs également, que lorsqu'ils ont donné un cours sur le tawhid pour enseigner les fondements de l'islam et la croyance islamique, ils se sont levés et ils sont sortis. Et donc, la réalité de cette attitude, il dit, c'est pas spécifique à Jamaat al-Tablir. C'est quelque chose qui est général pour toute personne qui suit une méthodologie et un plan et qui n'est pas en accord avec la voie d'Ahlus Sunnati wal Jama'a. Donc si ces gens-là étaient tombés dans ce qu'ils ont fait, hein, s'ils étaient dans ce qu'ils font par ignorance, ils pourraient revenir à la vérité et à qu'est-ce qui est correct, puisqu'on leur enseigne la vérité et ils l'acceptent s'ils sont réellement ignorants. Mais la réalité, c'est qu'ils ne sont pas ignorants. Ils suivent ce qu'ils suivent par connaissance et par passion, hein, et par rejet de la vérité. Et donc, ils ne vont pas revenir de leur méthodologie, parce que s'ils reviennent de leur fausse méthodologie, leur groupe va se défaire, et ils ne veulent pas cela. أيها الإخوة, هذه بعض فتاوى كبار العلماء في جماعة التبليغ, وكلها تتفق على إدانتها وعلى التحذير منها, فالواجب على أتباع هذه الجماعة أن يتوبوا إلى الله وأن يتبرأوا من البدع وأهلها وأن يسلكوا سبيل السنة فالواجب على المسلمين عموما أن يحذروا هذه الجماعة وأن يتجنبوا مجالستهم أو الخروج معهم طلبا للسلامة والنجاة. Ô mes frères serviteurs d'Allah, ce ne sont que certaines d'entre les fatwas des ulama au sujet de cette jama'a. Et sachez que ce sont des gens qui sont très rusés en même temps. Et donc, qu'est-ce qu'ils font parfois? C'est qu'ils essaient de ramener des paroles de ulama qui sont anciennes et qui parlent du bien en leur faveur. Et les raisons pourquoi ils ramènent des fatwas qui parlent du bien en leur faveur de la part de certains savants, c'est parce que c'étaient des fatwas qui ont été faites à leur sujet avant que ces savants soient au courant de leur réalité et de la réalité des croyances et des principes qu'ils enseignent. Mais une fois que par la suite les savants ont été informés de la réalité de leurs croyances et de leurs propos, eh bien par la suite leur fatwa a changé et ils ont mis en garde contre eux par la suite. Et c'est pour cette raison-là que les fatwas les plus récentes et les dernières fatwas qu'on retrouve des savants au sujet de ce genre de groupe, c'est des fatwas dans lesquelles on met en garde contre eux et on avertit contre leurs innovations et leurs bid'ah. Et donc si certains vous montrent des fatwas de certains savants et vous disent, certains savants ont dit du bien à leur sujet, sachez que ça c'était des anciennes fatwas qui ont été annulées par celles qui ont suivi par la suite. Et en même temps aussi, il faut savoir que tous les savants donc qu'on a mentionnés qui sont sur le Coran et la Sunna et la compréhension des salaf al-salih, ils ont tous averti donc contre ce groupe et ont mentionné que ce sont des gens de l'innovation et il est obligatoire pour les gens qui suivent ce groupe ou qui sont sympathisants envers eux de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et de se désavouer des innovations et des gens de l'innovation et ils doivent revenir à la voie de la sunna et se limiter à la voie de la sunna. Et donc ça c'est une obligation pour tous les musulmans en général d'être avertis, d'avertir contre ce genre de groupe et de s'écarter d'eux et de ne pas s'asseoir avec eux ou de ne pas se mélanger avec eux pour être épargné de leurs égarements. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بعد أن سمعنا تلك النبذة المختصرة من فتاوى العلماء في التحذير من جماعة التبليغ، بقيت الإشارة إلى شيء من أضرارها وآثارها السيئة على وجه الاختصار. أولا، هي جماعة بدعية تدعو إلى البدع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية أخرى قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وكل من ليس من أهل السنة والجماعة كان من الفرق الهالكة والعياذ بالله، وكفى بهذا الأثر منفرا عنهم وموجبا للبعد عن الانتماء إليها. Et donc on dit que c'était un résumé des paroles des savants au sujet de cette jama'a, de ce groupe de bid'a, jama'a de tabligh. Et on va terminer en mentionnant quelques points résumés des méfaits, des effets de ce groupe d'égarement, en résumé. Parce que souvent les gens disent, oui mais c'est des gens qui ne font en fait rien de mal. Ils ne font que appeler les musulmans à aller à la mosquée et ils ne font que rappeler les gens qui délaissent certains aspects de l'islam, hein, et ils les appellent à revenir. Hein, donc, en principe ou en apparence, on dirait qu'il n'y a rien de mal. Mais en réalité, lorsqu'on regarde dans leurs croyances et dans leurs fondements et dans leurs principes, on constate que c'est des gens qui appellent à l'innovation. Et donc, ce n'est pas suffisant juste de regarder les choses de façon superficielle et de regarder juste à l'extérieur des choses ou l'apparence des choses, mais il faut au contraire regarder les choses dans leurs fondements et dans leurs principes et analyser c'est quoi leur aqidah, c'est quoi leur manhaj, c'est quoi la aqidah des fondateurs de ce groupe et à quoi ils appellent réellement. Et non pas seulement qu'est-ce qui paraît à l'extérieur. Sinon, on risque de se faire tromper facilement. Et donc, parmi les exemples de ce que le prophète sallam a dit au sujet de l'innovation, c'est qu'il a dit « Quiconque fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. » Et il a dit « Prenez garde aux choses inventées dans la religion, car toute invention dans la religion est une bid'a, et toute bid'a est un égarement. » Et il a dit dans un autre hadith que cette umma se divisera en 73 sectes et qu'elles seront toutes en enfer excepté une. Et les sahaba ont dit « Ô messager d'Allah, laquelle sera sauvée, laquelle sera au paradis ?» Il a dit « C'est la jama'a ». Et dans une autre narration, il a expliqué. Il a dit « C'est celle qui suit ce que je suis moi-même aujourd'hui ainsi que mes compagnons. » Et donc celui qui veut être sauvé, il doit suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses sahaba. Et non pas de suivre des innovations ou des groupes qui sont apparus à notre siècle. Hein? Avant 1928, il n'y avait pas un groupe sur la terre qui s'appelait Jama'at al-Tablir. C'est quelque chose qui est récent. La même chose pour les frères musulmans. Il n'y avait pas avant 1927 un groupe qui s'appelle Ikhwan al-Muslimoun. Et donc, c'est clair que ce sont des groupes donc, d'innovation et d'égarement. Et donc, on termine, Inch'Allah, avec ça. Et en même temps aussi, vous entendez des choses en ce moment dans les médias et ils parlent des choses au sujet de certains imams. Et certains d'entre eux ont parlé de moi, certains ont parlé de d'autres. J'aimerais bien adresser ce sujet-là. Et peut-être qu'on donnera une conférence, Inch'Allah, à ce sujet. Je ne sais pas quand, peut-être pendant la semaine ou la semaine prochaine, pour clarifier justement certains des propos et certaines des choses qui sont dites, soit à mon sujet ou au sujet de l'islam en général, parce qu'il y a beaucoup de mélanges et d'amalgames de choses vraies et fausses qui sont mélangées et qui sont dites. Et c'est sûr que par ces propos-là, parfois, ça peut faire peur aux musulmans et ça peut les effrayer, ça peut essayer de semer la tension dans la communauté. Et donc c'est important que les gens sachent la réalité et la vérité. Et pour résumer en fait la réponse à propos de ce que ces gens disent, c'est que, alhamdoulillah, nous sommes des musulmans. Nous suivons le Coran et la Sunna selon la compréhension des salaf al-salih. Donc nous sommes des musulmans salafis et nous sommes opposés à tout ce qui se fait comme forme de terrorisme ou forme de violence qui contredit la voie et la compréhension du Coran et la Sunna selon la compréhension des salaf al-salih. Nos ulama sont connus. Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, Cheikh al-Albani, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, Cheikh Salih al-Fawzan et tous les grands ulama qui sont actuellement en Arabie Saoudite et qui sont à l'extérieur aussi de l'Arabie Saoudite, qui sont des grands ulama qui ont tous dénoncé les actes de terrorisme et la violence. En ce qui concerne les autres choses qu'ils nous reprochent, que ce soit du fait que s'ils disent par exemple qu'on est par exemple contre la démocratie ou contre l'égalité entre l'homme et la femme ou contre l'homosexualité, eh bien qu'est-ce que le Coran et la Sunna enseignent et si c'est ce qui est écrit dans tous les livres des savants de l'islam depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours, est-ce que moi je vais changer le message de l'islam pour faire plaisir à quelqu'un? Hein? Est-ce qu'on a le droit de changer le message de qu'est-ce qui est écrit dans le Coran ou dans la Sunna pour faire plaisir à quelqu'un, que ce soit un musulman ou un non-musulman? Non. Et donc, alhamdoulilah, il y a des livres de fiqh qui sont écrits. Il y a le Coran, il y a les hadiths, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan al-Nasa'i, Sunan al-Tirmidhi, Sunan Abu Dawud, Sunan ibn Majah, Musnad al-Imam Ahmad. Et tous ces livres-là sont remplis de hadiths et de points et de preuves au sujet des principes de la charia. Il y a les livres de fiqh, que ce soit dans le madhab Hanafi, ou dans le madhab Maliki, ou le madhab Shafi'i, ou le madhab Al-Hanbali, dans lequel les principes et les règles de la charia sont clarifiés. Que ce soit les règles qui ont rapport avec la lapidation, ou couper la main des voleurs, ou les règles du mariage ou du divorce, ou tous les autres principes de l'islam. C'est pas quelque chose que j'ai inventé moi, c'est pas quelque chose auquel j'appelle seulement moi en tant qu'individu. C'est quelque chose qui a été enseigné par tous les prophètes d'Allah, même avant l'islam. C'est-à-dire même les prophètes Moussa alayhi salam dans la Torah, si vous lisez même les livres des chrétiens aujourd'hui, la Bible. Et il y a encore même dans l'Ancien Testament, toutes ces règles-là qui sont mentionnées encore aujourd'hui dans le livre des juifs et des chrétiens. Donc s'ils ont quelque chose à critiquer du fait que nous on enseigne ou on prône ces principes-là et ces règles-là qui font partie de l'islam, qui font partie des enseignements de la religion, eh bien ils doivent même condamner leurs propres livres, puisque ces choses-là sont mentionnées dedans aussi. D'accord? Et donc, alhamdoulilah, si c'est quelque chose qui fait partie de l'islam, et que ça, c'est en accord avec l'islam, et c'est enseigné par les savants de l'islam depuis des siècles, on ne va pas le condamner. On ne va pas revenir sur nos principes. Et s'il y a quelque chose dans les principes des koufars aujourd'hui, que ce soit la laïcité, que ce soit la démocratie, qui vient en contradiction avec nos croyances, et nos principes, et nos fondements, eh bien, on ne va pas l'accepter. Peu importe. Et ça ne fait pas de nous des terroristes. Ça ne fait pas de nous, comme ils essaient de nous qualifier, des intégristes, des fondamentalistes, des radicaux, ou je ne sais pas quel autre qualificatif qu'ils veulent employer aussi. Tout ça, ça n'a aucune signification et ça ne veut rien dire pour nous. Puisque pour nous, on est des musulmans ordinaires. On n'est pas ni des islamistes, ni des intégristes, ni des fondamentalistes, ni des radicaux. On est des musulmans et des salafis. Et salafis, ça n'a rien à voir avec le terrorisme. Et être contre la démocratie ou être contre la laïcité, ça ne fait pas de nous des terroristes non plus, puisqu'on condamne le terrorisme. Ceux qui défendent le terrorisme, ce sont les groupes de bid'a. Parmi les khawarij, ceux qui condamnent et qui déclarent kuffar les savants de l'islam et les ulama de l'islam et les dirigeants des pays musulmans. Et qu'ils appellent, ils appellent les musulmans à se révolter contre les dirigeants. Ce sont les groupes de khawarij. Et ce sont eux qui prônent les actes de violence et les actes de terrorisme. Et les salafis se désavouent de ces groupes-là et de ces individus-là. Et nous suivons la voie des salafis. Et c'est ça qui est important aux musulmans de comprendre. Maintenant, ne vous laissez pas intimider et n'ayez pas peur de ce que les médias racontent, mais au contraire, appelez-les à se renseigner et à demander les informations correctes et exactes au lieu de propager dans la population des informations mensongères, diffamatoires et contraires à la réalité. D'accord? Donc je dis ça à mon sujet et je parle pour moi et ceux qui suivent la voie des salafs avec moi, que ce soit ici ou ailleurs. En ce qui concerne les autres, eux c'est leur problème. S'ils ont d'autres méthodologies que la voie des salafs, ils auront des comptes à rendre au jour de la résurrection devant Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا صووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر

Première chose, alhamdoulilah, c'est la, comme vous savez, c'est la fin du mois, donc le loyer. Donc je vous rappelle, Inch'Allah, si vous pouvez aider, parce qu'il reste encore une bonne partie du loyer qui n'est pas encore couvert. Deuxièmement aussi, par rapport à ce que j'ai dit à la fin de la khutba aussi, j'aimerais clarifier un point important aussi, c'est que tout ce qui a rapport avec les peines islamiques, que ce soit la lapidation, couper les mains des voleurs, ou des choses de ce genre, ça c'est des choses, comme j'ai expliqué dans la khutba, ça fait partie des principes de la sharia d'Allah. Et c'est dans le Coran, et c'est dans la sunna, et c'est dans les livres de fiqh, de tous les madahib depuis des siècles, et c'est des enseignements qui sont authentiques dans l'islam. Sauf que ces principes et ces règles, c'est pas n'importe quel individu parmi les musulmans qui peut se permettre de les appliquer sur des gens. C'est uniquement celui d'entre les musulmans qui détient l'autorité dans le pays, c'est-à-dire le président ou ses conseillers ou ces gens qui sont, ceux qui sont sous son commandement et qui sont responsables d'appliquer ces peines-là dans les pays musulmans. Comme par exemple, comme ça se fait en Arabie Saoudite, hein, et ailleurs, dans d'autres pays musulmans qui respectent les principes de la charia d'Allah. Donc ça, c'est pas quelque chose que j'ai inventé moi-même, c'est pas quelque chose que personne d'entre les ulama ont inventé. Non, ça c'est des principes qui sont dans le Coran et dans la Sunna. Bien entendu, les koufars aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'ils font dans les médias? Ils parlent contre le terrorisme. Et ils savent très bien qu'on est contre le terrorisme et qu'on condamne le terrorisme. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre en réalité? C'est qu'après qu'ils parlent du terrorisme, ils mélangent ça avec l'interdiction de la mixité, l'interdiction... par exemple, le fait qu'on critique l'égalité homme-femme et qu'on dise non, dans l'islam, il y a des règles différentes pour les hommes et des règles différentes pour les femmes. Et en même temps aussi, la femme, elle doit se voiler. Donc, ça les dérange. Et c'est ça qu'ils veulent pas, en fait. Le terrorisme, c'est un prétexte qu'ils utilisent pour critiquer, en fait, l'islam au complet, en réalité. Et donc, il faut comprendre que nous, on est contre le terrorisme, mais en même temps, on est en accord avec nos principes et nos fondements, et on ne va pas remettre nos principes et nos fondements de l'islam en question. Donc, ils essaient de distinguer entre les musulmans pour dire, eux c'est des radicaux, eux c'est des musulmans islamistes, eux c'est des musulmans fondamentalistes, et eux c'est une minorité, et ainsi de suite, alors que non. Tous les musulmans sont obligés de croire en la charia au complet. Il n'y a pas une partie des musulmans seulement qui sont obligés de croire en ça, et le reste peuvent croire en ce qu'ils veulent. Si tu es un musulman, tu dois croire et accepter tout ce qui est dans l'islam, du début jusqu'à la fin, du premier verset dans le Coran jusqu'au dernier. Et de toutes les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques, tu es obligé de les accepter et d'y croire. Mais si tu commences à prendre ce que tu aimes et laisser ce que tu n'aimes pas, et que tu suis ta religion selon tes désirs et tes passions, alors en réalité, il y a un problème dans ta compréhension, il y a un problème dans ta foi. Et c'est ça ce que les non-musulmans ont besoin de connaître et de comprendre. Et s'ils ont un problème avec ça, donc ils ont un problème avec l'islam. Et donc ils doivent comprendre et accepter que s'ils ne veulent pas l'accepter, c'est leur choix, mais en même temps, ils ne peuvent pas empêcher les musulmans d'y croire, parce que c'est notre religion, et c'est en ça qu'on croit à nous. Et on a, supposément, selon leurs principes, on a la liberté de croyance, d'opinion, et de penser. Et donc, si on a ces soi-disant droits qu'ils nous donnent, eh bien, pourquoi ils veulent uniquement nous les interdire lorsqu'on veut défendre notre religion? Donc c'est là qu'on voit la contradiction de leurs principes. نعم الله المستعان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أنا بخير. العلماء لما بينوا الجماعة قالوا يعني قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الجماعة أن تكون على الحق لو كنت وحدك يعني الجماعة ليست يعني محصورة في عدد معين من الناس ولكن الجماعة هو أن تتبع الحق وأن تتبع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح وإن كنت وحدك فليست العبرة بالعدد أو بالمجموعة ولكن العبرة بالحق يعني هذا هو المقصود ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم شرح الحديث في الحديث الثاني في الرواية الأخرى قال أن تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهذا هو الجماعة أن تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والله تعالى أعلم بارك الله فيك